Bonjour. Voici l'histoire des trois petits cochons. Cette histoire est spéciale parce que nous n'allons pas seulement la lire ensemble. Nous allons aussi nous amuser avec les autocollants. Je t'expliquerai comment faire un peu plus tard. Prends ton livre d'histoire à coller. Tu y trouveras plein de jolis autocollants. Juste au milieu du livre. Tu as trouvé ? Bien. Maintenant, en faisant bien attention, retire la page d'autocollant en déchirant le long des pointillés. Voilà. Maintenant, mets-les de côté pour tout à l'heure. À présent, ouvre ton livre au début de l'histoire. Tu as trouvé ? Dès que tu entendras ce son, tourne la page. Il était une fois trois petits cochons qui s'appelaient Pif, Paf, Pouf. Ils causaient bien des soucis à leur mère, car comme tous les petits cochons, ils grossissaient et mangeaient tant qu'elle ne pouvait plus les nourrir. « Cette maison est devenue trop petite pour vous !» leur dit-elle un jour. « Il est temps que vous partiez pour vous construire des maisons bien à vous !» Alors, les trois petits cochons prirent leurs plus belles vestes et leurs plus beaux pantalons et partirent pour construire leur maison. « Prenez bien garde que le grand méchant loup ne vous mange pas !» leur cria leur mère. « Il adore manger les petits cochons pour son dîner !» Les trois petits cochons avaient bien du travail. Ils rencontrèrent bientôt un berger qui étalait de la paille pour ses moutons. « Donnez-moi votre paille !» dit Pif très impoliment. « Avec cette paille, je construirai une maison et le méchant loup ne me mangera pas !» Pif attrapa la paille des mains du berger et la posa près d'une mare. Puis Paf et Pouf regardèrent leur frère construire sa maison de paille. « Quelle belle maison !» dit Paf. « Je ne la trouve pas si belle que cela !» dit Pouf. « La mienne sera plus solide. Si le méchant loup vient à sortir du bois, il n'aura qu'à souffler sur ta maison et il la démolira en une minute !» « Ne dis pas de bêtises !» se moqua Pif qui alla chercher sa chaise longue. Paf et Pouf poursuivirent leur route. Peu après, ils rencontrèrent un homme portant un fagot de branches sur son dos. « Donnez-moi ces branches !» demanda Paf très impoliment. « Je vais me construire une belle maison de bois et le loup ne me mangera pas !» Paf emporta les plus belles branches et les dressa près d'une barrière. « Ma maison est bien plus belle que celle de Pif !» se vanta Paf. « Moi, je ne la trouve pas si belle que cela !» répondit Pouf. « Si le méchant loup sort du bois, il n'aura qu'à souffler sur ta maison et il la démolira en 2 minutes !»« Ne dis pas de bêtises !» ricana Paf. Puis il déposa son panier à pique-nique dans l'herbe et commença à manger ses sandwichs. Pouf poursuivit seul son chemin. Il rencontra un homme qui construisait un pont de briques. « S'il vous plaît, pourriez-vous me vendre quelques briques ?» demanda Pouf très poliment. « Je voudrais construire une belle maison, bien solide, pour que le méchant loup ne puisse pas m'attraper. » Le maçon fut heureux de vendre des briques à un aussi gentil petit cochon. Pouf déposa les briques près d'un champ, puis il se mit bien vite au travail. Il faut savoir qu'une maison de briques prend beaucoup plus de temps à construire qu'une maison de paille ou de branches. C'est pourquoi Pouf travaillait encore alors que les étoiles et la lune brillaient dans le ciel, au-dessus du toit tout neuf de la maison. Pendant ce temps, le méchant loup était sorti du bois. Il avait très faim. Il s'approcha sans bruit de la maison de paille et regardant par la fenêtre, il aperçut Pif. « petit cochon, laisse-moi donc entrer !» demanda-t-il. « Non, jamais !» déclara Pif. « Par ma queue en tire-bouchon, vous n'entrerez pas dans ma maison. »« Alors je vais souffler et tant souffler que ta maison va s'envoler !» gronda le loup. Et il souffla et en 1 minute la maison s'envola. Ensuite, le loup rentra chez lui et mit sa bouilloire à chauffer. Il but une bonne tasse de thé et ce soir-là mangea des saucisses pour son souper. Le matin suivant, le méchant loup sortit à nouveau du bois. Il se rendit sans bruit auprès de la maison de branches et regardant par la fenêtre, il aperçut Paf. Celui-ci était encore au lit et se cacha sous sa couverture. « Petit cochon, laisse-moi donc entrer !» demanda-t-il. « Non, jamais !» déclara Paf. Par la barbe de mon menton, vous n'entrerez pas dans ma maison. Alors je vais souffler, souffler, et tant souffler que ta maison va s'envoler, gronda le méchant loup. Et il souffla, souffla, souffla, et en 2 minutes la maison s'envola. Ensuite, le loup rentra chez lui pour déjeuner. Il adorait manger des sandwichs au jambon. Ce jour-là, Pouf peignait la porte de sa maison de briques. Tout à coup, le méchant loup passa la tête entre les rideaux. « petit cochon, laisse-moi donc entrer !» demanda-t-il. « Non, jamais !» déclara Pouf. « Par ma queue en tire-bouchon, vous n'entrerez pas dans ma maison !» Alors je vais souffler, souffler, tant souffler que ta maison va s'envoler, gronda le loup. Et il souffla, souffla, souffla et s'essouffla, car rien ne se passa. Petit cochon, appela-t-il d'une voix toute radoucie. Il y a une fête sur la colline, viens m'y rejoindre et je t'offrirai une pomme au caramel. Avec plaisir, répondit Pouf, ravi, et il alla ranger son pinceau. Pouf se rendit à la fête. Il fit un tour de manège, s'amusa beaucoup sur les balançoires et gagna une noix de coco à la loterie. Mais nulle part il ne rencontra le méchant loup, car celui-ci était caché dans les buissons, attendant son retour pour l'attraper. Alors Pouf s'acheta tout seul sa pomme au caramel. Il acheta aussi le tonneau de pommes et rentra chez lui, caché dans le tonneau qui dévala la pente à toute allure, au nez et à la barbe du méchant loup. Le loup était furieux. En se forçant à prendre un air aimable, il dit à Pouf. « petit cochon, viens donc avec moi demain chercher des navets dans le jardin du fermier. Je t'aiderai à les rapporter chez toi. »« Avec plaisir, » répondit Pouf. Pouf alla chercher les navets dans le champ du fermier. Il s'y rendit à l'aurore, alors que le méchant loup dormait encore profondément et ronflait la tête enfoncée dans son oreiller. Il rapporta les navets dans une brouette et sifflota tout le long du chemin. Quand le méchant loup se réveilla, Pouf était déjà chez lui et préparait une soupe de navets dans une grande marmite posée sur le feu. Le loup était très en colère, mais il dit d'une voix aussi douce que possible « Si tu veux, je peux t'emmener demain à 5h du matin chez le fermier pour cueillir des belles poires bien juteuses. » Le matin suivant, Pouf partit à 4h. Il trouva facilement le poirier. Mais, alors qu'il était assis sur la plus haute branche, le loup arriva. Pouf avait bien peur, mais ne le montra pas au loup. « Que ces poires sont bonnes !» dit-il. « Ne bouge pas, je vais t'en envoyer une !» Il lança donc une poire qui se mit à rouler, rouler et à descendre la colline. Le loup courut pour la rattraper. Pouf, profitant de l'instant, sauta de l'arbre et se sauva à sa maison aussi vite qu'il put. Il claqua la porte et tourna rapidement la clé dans la serrure. Quand le loup revint à la maison de Pouf, il était enragé. « petit cochon !» hurla-t-il. « Je vais te manger ! Je vais grimper sur le toit et glisser par la cheminée !» Pouf se mit à sourire. Il fit un grand feu dans la cheminée, puis il posa une grande marmite pleine d'eau sur celui-ci et la fit bouillir. Le loup descendit par la cheminée. Brusquement, Pouf ôta le couvercle de la marmite et le loup tomba dans l'eau bouillante. C'est ainsi qu'il mourut. Le rusé Pouf vécut heureux pour toujours dans sa petite maison de briques. Et aucun loup n'osa jamais venir troubler sa tranquillité. As-tu aimé cette histoire ? Écoute bien la musique. Quand elle s'arrêtera, tu pourras retourner la cassette. Reviens à la première page de l'histoire. Tu l'as trouvé ? Regarde, Il manque beaucoup de choses dans les images du livre. Alors prends les autocollants que tu aimerais mettre sur les images pour les rendre encore plus jolies. As-tu choisi ? C'est bien. Maintenant, décolle bien soigneusement les dessins que tu aimes. Attention, ils sont un peu fragiles. Tu y es ? Bravo ! Tu peux coller les dessins où tu veux. C'est beaucoup plus joli, n'est-ce pas ? Maintenant, prends tous les autocollants que tu veux et colle-les dans le livre sur les images de l'histoire. Et pendant ce temps, nous allons écouter une chanson qui raconte l'histoire des trois petits cochons, Pif, Paf et Pouf. Tu peux chanter avec nous. Voici l'histoire de trois petits cochons qui étaient partis construire des maisons. Avec de la paille, le premier a fait une petite cabane tout près d'une haie. Le grand méchant loup l'avait vu à la cabane, il est venu. Laisse-moi entrer, petit cochon! Non, non, non, par la barbe de mon menton. Alors le grand méchant loup s'est mis à hurler et il a soufflé. Il a tant soufflé et encore soufflé, la maison s'est envolée. Second petit cochon a trouvé des branches. Sa maison est faite en poutres et en planches. Après le travail, il se reposait. Mais soudain, à la porte, il entend frapper. Laisse-moi entrer, petit cochon! Non, non, non, par la barbe de mon menton. Alors le grand méchant loup s'est mis à hurler et il a soufflé. Il a soufflé et encore soufflé, la maison s'est envolée. Le dernier petit cochon, bien plus malin que ses frères, a fait une maison en briques et en pierre. Il a fait du feu dans la cheminée. Le loup est venu et il a crié. Laisse-moi entrer, petit cochon! Non, non, non, par la barbe de mon menton. Alors le grand méchant loup s'est mis à hurler et il a soufflé. Il a tant soufflé et encore soufflé, la maison n'a pas cédé. Il a soufflé, il a tant soufflé, et encore soufflé, la maison n'a pas cédé. Il a soufflé, il a tant soufflé, et encore soufflé, la maison n'a pas cédé. Et encore soufflé, la maison n'a pas cédé. Tu as aimé ? Comment sont tes images maintenant ? As-tu collé beaucoup de dessins ? Tu peux, si tu en as envie, changer les dessins de place. Ils se décollent et se recollent très facilement, à volonté. Et maintenant, on va mettre des mots sous les dessins de la case entourée de noir, sur le côté droit de la page. Reviens au début de l'histoire. Y es-tu ? Bien. As-tu la page des mots à coller ? Tu l'as ? Au début, demande à une grande personne de t'aider à coller les mots. As-tu remarqué que certains mots de l'histoire sont écrits plus épais, plus noirs que les autres ? Tu en trouveras 4 sur chaque page. Parmi les mots à coller, tu vas trouver les mêmes mots que les mots très noirs dans le texte du livre. Le premier mot que nous allons chercher, c'est « cochon ». L'as-tu trouvé dans le livre ? Le voilà. Tu l'as ? Bon, regarde si tu trouves le même mot dans la page d'autocollant. As-tu demandé à une grande personne de t'aider ? Bon. Vous l'avez trouvé ? Décolle-le soigneusement et colle-le sur la page de droite, sous le petit dessin des cochons. Ça y est ? Maintenant, tu as le dessin des cochons et le mot cochon en dessous. C'est très bien. Le prochain mot à trouver, c'est maison. Il est sur la même page que le premier. Souviens-toi, tu cherches un mot écrit avec de grosses lettres bien noires. Tu le vois ? Alors, tu peux chercher le mot dans la page d'autocollant et le coller sous le dessin de la maison. Tu y arrives ? Bien. À présent, cherche le mot veste, écrit en grosses lettres noires. Cette fois, c'est sur l'autre page, en face de la première. Trouvé ? Bon. Cherche le même mot sur la page d'autocollant, et quand tu l'as trouvé, décolle-le doucement et pose-le sous le petit dessin de veste, dans la case au coin de la page droite. Tu l'as fait ? Bien. Il te reste un dernier mot à trouver. Toujours sur la même page. Le mot que nous allons chercher, c'est pantalon. Il est encore écrit en grosses lettres noires. L'as-tu trouvé ? Maintenant, cherche le même mot dans la page des autocollants et quand tu l'as vu, décolle-le et pose-le sous le dessin de pantalon, tout en bas de la case. Tu peux faire ainsi tous les mots du livre de la même façon. Et maintenant, tu vas faire une image bien à toi, sur une page spéciale, presque à la fin du livre. C'est la page où il est écrit « Ici, tu peux coller les dessins que tu veux ». Souviens-toi que tu peux décoller et recoller les dessins autant de fois que tu en auras envie. Ils sont faits pour cela. Ainsi, tu pourras toi-même inventer beaucoup d'histoires différentes en changeant les dessins. La dernière image du livre n'est pas coloriée. C'est pour que tu puisses le faire toi-même. Amuse-toi bien avec ton histoire, tes dessins à coller et les chansons. Bon, je dois m'en aller. C'est fini. Au revoir. Amuse-toi bien.